الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui un cours, on continue le cours de Bahjatul Qari, l'explication du chapitre de Kitab al-I'tisam dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et on a terminé d'expliquer les hadiths que le Cheikh Rabi' hafizahullah avait mentionné. Et là, on est rendu dans la section où il parle maintenant des questions. C'est des questions et des réponses sur différents sujets. Et la plupart des questions sont sur les questions qui ont rapport avec l'aqida. Et il y a également certaines questions sur le manhaj. Donc, on va lire, inshallah, quelques questions. Et avec les réponses, inshallah ta'ala. Donc la première question aujourd'hui, c'est le cours 15. En passant, juste pour rappeler, on commence avec la question numéro 1 dans le livre. La question c'est la suivante: Man jalasa fi majlisin yustahza'u fihi billahi wa ayatihi fa ankara bi qalbihi wa lam yunkir bi lisanihi ولم يخرج من المسجد من المجلس وهو قادر على ذلك فهل يكفر بذلك أم لا وما هو تفسير قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc la question c'est la suivante. La personne, elle demande au Cheikh Rabi' hafizahullah que celui qui s'est assis dans un assise ou dans un endroit où les gens sont réunis et que dans cet endroit-là on se moque. Hein, on se moque de la religion, on se moque d'Allah, on se moque de ses versets. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit dans la question ici, si la personne, elle a condamné cette moquerie dans son cœur, mais qu'elle ne l'a pas condamnée par sa langue et qu'elle n'a pas quitté ce lieu-là ou cette assise-là, elle est restée alors qu'elle était capable soit de le condamner par sa langue ou soit de partir. Alors, dans ce cas, est-ce que cette personne aura commis le kufr? Est-ce qu'elle aura commis le kufr ou non? Et quel est le tafsir du verset 140 dans Sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'en raille, on s'en moque, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre conversation, sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites, les munafiqines, et les mécréants, les kafirines, tous dans l'enfer. Donc ici... on va lire maintenant la réponse du Cheikh. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit: Sami'tum nass al-aya wa annahu la yajuz lahu al-qu'ud idha sami'a fi hadha al-majlis alladhi fihi istihza'un billahi wa bi kitabihi bal 'alayhi an yakhruj wa huwa qadirun 'ala al-khuruj fa huwa laysa مكبلا ولا مربوطا إلا إذا لم يمكنه الخروج وأقعدوه رغم أن فيه ينكر بقلبه لكن إذا كان يستطيع الحركة والخروج ثم بقي فهو شريك. لماذا تجلس عند هؤلاء المجرمين وهم إما أهل بدع وضلال وإما أهل كفر وإما فساق مجرمون؟ الاستهزاء بآيات الله كفر فلو كانوا مسلمين وجلسوا يستهزئون بكتاب الله لارتدوا فكيف تجلس معهم فإذا جلست معهم ولم تنكر فأنت معهم تشاركهم في الجرم. فإما أن تنكر بقوة وحجة وبرهان وتبين ضلالهم بكل شجاعة ولو ترتب على ذلك ما ترتب، وإما أن تذهب فلا تقعد معهم، خاصة إذا كنت طالب علم والناس يثقون بك ويقولون إنك تفقه دين الله أو إنك تفقه دين الله، فيتخذون منك قدوة ويقولون هذا فلان جالسهم فنجالسهم نحن. هؤلاء سبوا كتاب الله وسخروا منه، فلا يجوز الجلوس معهم أبدا كما نهى الله تعالى عن ذلك. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. Donc ici, Cheikh Rabi, hafizahullah, il répond à cette question. Il dit, vous avez entendu le verset, hein, le texte du verset 140 dans Surat An-Nisa. Et il n'est donc pas permis pour cette personne de s'asseoir, hein, dans cette assise. Si vous entendez donc qu'on se moque, hein, ou s'il a entendu qu'on se moque, hein, d'Allah et de ses signes et de son livre, alors il doit quitter. Il doit sortir, alors qu'il a la capacité de sortir, parce qu'il n'est pas attaché, il n'est pas enchaîné. Hein? C'est pas comme s'il n'est pas capable de sortir de la place. Hein? C'est pas comme s'ils l'ont forcé à s'asseoir et qu'ils l'ont attaché. Alors, à ce moment, s'il était attaché ou s'il était enchaîné, et qu'il le force à rester, alors dans ce cas-là, il condamne cette moquerie par son cœur. Mais du moment qu'il a la capacité de sortir et qu'il n'est pas enchaîné, il est capable de bouger, alors dans ce cas-là, il ne doit pas rester. Il doit s'en aller. Et s'il reste, malgré tout, alors dans ce cas-là, il est complice. Il est complice. Et le cheikh, il dit donc que pourquoi dans ce cas-là, tu vas t'asseoir avec ces criminels? Parce que ce sont soit des gens de bid'a, ou soit des gens d'égarement, ou soit des gens de kufr, ou soit des pervers criminels. Et le fait de se moquer des versets d'Allah, c'est une forme de mécréance. Donc si c'était des musulmans et qu'ils s'étaient assis en train de se moquer du livre d'Allah, eh bien ils auraient apostasié de l'islam par cette moquerie-là. Alors comment peux-tu t'asseoir avec eux? Et si tu t'assois avec eux, et même si yani, tu dis je m'assois avec eux, mais dans ton cœur, dans ton cœur tu condamnes, eh bien, même malgré ça tu es complice avec eux. Tu es complice avec eux dans le crime. Donc tu as deux choix. Soit que tu vas condamner avec force, avec preuve, avec évidence, et tu vas clarifier leur égarement avec tout ton courage, même s'il y a des conséquences qui découlent de ça, peu importe qu'est-ce qui en découle, tu vas prendre une position ferme et solide, et tu vas défendre, hein, la vérité avec courage, ou bien soit tu t'en vas, tu sors, tu quittes, mais tu ne dois pas rester avec eux. En particulier si tu es un étudiant en sciences, un étudiant en sciences islamiques, et les gens ont confiance en toi, et les gens disent que tu comprends la religion d'Allah, alors ils vont prendre un exemple de toi. Et ils vont se dire en eux-mêmes, bon, si un tel il s'est assis avec eux, il est resté avec eux, alors dans ce cas-là, nous aussi, on va s'asseoir avec eux, on peut rester avec eux aussi. Alors le cheikh, il dit, donc ceux-là qui ont insulté le livre d'Allah, qui se sont moqués du livre d'Allah, il n'est pas permis de s'asseoir avec eux. Hein? C'est de façon claire et ça c'est certain, tu n'as jamais le droit de t'asseoir avec ces gens-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'interdit dans le verset, ne t'assois pas avec eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre conversation. Hein? Sinon, tu seras comme eux. C'est-à-dire, tu seras mécréant comme eux. Donc, ensuite, le cheikh, on lui a posé une deuxième question. La deuxième question, c'est la suivante. يعني, ما هو تفسير قوله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc encore une fois, on pose la question par rapport à ce verset et à son tafsir. Hein, le verset 140 dans Surat An-Nisa. Donc on vient de l'expliquer. Hein, on a révélé sur vous dans le livre que lorsque vous entendez qu'on se moque et qu'on se raille des signes d'Allah, hein, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils entrent dans une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Et certes, Allah va réunir les hypocrites, les munafiqines et les kafirines ensemble dans l'enfer. Et le cheikh, il répond en disant Naha Allahu fi hadhihi al-aya wal ayatu al-mushar ilayha fi surat an-nisa al-mu'minun al-mu'minin an yujalisu a'da' Allah al-kafirin al-mustahzin bi ayati Allah wa bayyana Allah an man jalasahum fi halat al-istihza' bi ayati Allah ولا يفارقهم أنه معهم وشريكهم في الاستهزاء بالله وهذا كفر بالله وقد أخذ العلماء من هذا تحريم مجالسة أهل البدع لأنهم يخوضون في كتاب الله بالباطل وهذا فيه شيء من الاستهزاء بكتاب الله وإن كانوا لا يقصدونه فأخذ العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز مجالسة أهل البدع كما لا تجوز مجالسة الأشرار أيضا ولكن مجالسة أهل البدع أخطر لأن الفاسق لا تجوز لك مجالسته لأنك تعرف أنه فاسق وأن عمله هذا إجرامي لكن المبتدع يجعل بدعته هي الحق وهي الإسلام ويجعل من يخالفه هو الضال فإذا خالفه أهل الحق يحكم عليهم بالضلال ويزخرف بدعته ويزينها فلا تجلس مع أهل البدع لأمور كثيرة منها أن الله نهى عن مجالستهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس معهم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر وحذر منهم السلف خاصة الدعاة منهم الذين عندهم شبه ويدعون إلى باطلهم وضلالهم فلا تجوز مجالستهم إلا لمن يقرعهم ويقمعهم بحججه وبراهينه من العلماء الفحول ومن شابههم فهذا له أن يتصدى لبيان بدعهم وضلالهم وفسادهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أنك عاجز ولا تستطيع أن تتكلم فابتعد لأن السلامة لا يعدلها شيء. Donc ici le cheikh il répond par rapport à l'explication de ce verset là, verset 140 dans sourate An-Nisa. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset, et le verset c'est dans sourate An-Nisa, il a interdit aux croyants de s'asseoir avec les ennemis d'Allah, les kafirines, les mécréants qui se moquent des versets d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que de s'asseoir avec eux alors qu'ils se moquent des versets d'Allah et lorsque la personne ne se sépare pas d'eux ou ne les quitte pas, alors dans ce cas-là, elle est complice avec eux dans la moquerie. La moquerie et le fait de se moquer d'Allah. Et par conséquent, c'est une forme de mécréance. C'est une forme de mécréance et de rejet de la foi en Allah. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَقَدْ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمُ. Donc, les ulama ont pris de ce verset également, comme ils ont extrait de ce verset également, comme principe et comme règle, également, l'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'ah. Pourquoi? Parce que les gens de bid'ah, ils disputent à propos du livre d'Allah avec le faux. Et il dit, donc, il y a dans ça une forme de moquerie. C'est comme s'ils se moquaient du livre d'Allah, indirectement. Même s'ils ne prétendent pas vouloir se moquer, mais ils se moquent du livre d'Allah parce qu'ils disputent de façon fausse au sujet du livre d'Allah. Et yani, même s'ils n'ont pas l'intention de le faire, mais ils se moquent du livre d'Allah d'une certaine façon. Et les ulama ont donc tiré de ce verset qu'il n'est pas permis de s'asseoir avec les gens de bid'a, alors qu'ils, hein, quand ils parlent de leur bid'a ou qu'ils prêchent leur bid'a ou des choses de ce genre. Il dit, et donc il n'est pas permis de même, et il est également interdit de s'asseoir avec les gens du mal, les gens qui font le mal, de façon générale. Hein? Mais de s'asseoir avec les gens de bid'a, c'est plus dangereux encore. Donc c'est-à-dire que les deux sont interdits, de s'asseoir avec les gens de bid'a et de s'asseoir avec les gens qui font des péchés. Beaucoup de gens parmi les jeunes et parmi les vieux qui sont tombés dans des péchés dans leur vie, souvent ils sont tombés dans ces péchés-là, non pas à cause de leur. De leur c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans ce péché-là parce qu'ils ont eu des mauvaises fréquentations. Et ça, c'est souvent le cas. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont été dans le bien et qui ont connu que le bien dans leur éducation à la maison, avec leurs parents, avec leurs proches, ils n'ont connu que le bien. Ils n'ont jamais connu de mal, ils n'ont jamais eu de mauvaises influences, mauvais comportements ou mauvais langage, mauvaises pratiques, mauvaises manières. Ils ont toujours agi de façon qui est, de façon respectueuse et de façon correcte, et ils croient en Allah et en son messager, et c'est des gens de bien. Mais lorsqu'ils ont été en contact avec des gens qui commettent les péchés, et des gens qui leur embellissent le mal, eh bien, ils commencent par la suite à vouloir essayer eux aussi de faire le mal. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont tombés dans le péché. Donc, le fait de s'asseoir avec des gens de péché, c'est ce qui t'amène toi-même par la suite à tomber dans le péché. Et c'est pour ça que c'est interdit pour le musulman de côtoyer ou de fréquenter les gens qui font ouvertement le péché. Et le cheikh explique que pour ce qui est des gens de bid'a, c'est encore plus grave et encore plus dangereux. Il dit, pour expliquer ça, il donne un exemple. Il dit que la personne qui est dans le péché, hein, il n'est pas permis de s'asseoir avec elle, alors que tu sais que la personne est un pécheur et qu'elle fait, hein, ce crime qu'elle pratique ou ce péché qu'elle pratique. Mais le mubtadi', eh bien, c'est plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va faire en sorte que sa bid'a, hein, parce que lui, sa bid'a qu'il pratique, hein, soit que ce soit une bid'a dans la croyance ou une bid'a dans les pratiques religieuses, eh bien, il pense que c'est la vérité. Il pense que c'est ça l'islam. Et donc, il va considérer que tous ceux qui sont en contradiction avec lui sont des égarés. Hein? Et donc, quand il contredit les gens de la vérité, il va juger que les gens de la vérité sont des égarés et dans l'égarement. Et il va embellir, hein, et enjoliver sa bid'a pour essayer de faire croire aux gens que sa bid'a, c'est ça qui est bon. Et que la sunna, c'est ça qui est mauvais. Allah al-musta'an. Alors, tu ne dois pas t'asseoir avec les gens de bid'a pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de s'asseoir avec eux. Et également, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de s'asseoir avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné justement dans le verset qu'on vient de lire, dans Sourate An-Nisa, le verset 140, et également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiyallahu anha, dans lequel il explique le tafsir du verset 7 dans Sourate Al-Imran. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque tu verras les gens qui suivent ce qui est équivoque du livre, hein, ce qui peut prêter à diverses interprétations, alors ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés dans le verset. Alors prends garde vis-à-vis d'eux, hein, écarte-toi d'eux. C'est ça que ça signifie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, hein, contre les gens de bid'a, les khawarij et tous les autres. Et dans d'autres hadiths, il a averti également contre les gens de bid'a et les salafs. Il y en a beaucoup de paroles qui ont été rapportées des salafs sur la mise en garde contre les innovateurs et les gens de bid'a et les gens de la passion. Ces citations-là et ces narrations-là sont rapportées dans les livres des ulama de la sunna. Le cheikh, il dit, et en particulier de s'écarter des gens qui invitent à la bid'a, c'est-à-dire que ce sont des prêcheurs, des gens qui sont des prêcheurs et qui prêchent la bid'a. Parce que ces prêcheurs ont beaucoup de faux semblants d'arguments qu'ils présentent aux gens pour essayer de les faire tomber dans leur fausseté et dans leur égarement. Alors, il n'est donc pas permis de les côtoyer, de les fréquenter, de s'asseoir avec eux, excepté pour celui qui est capable de les réfuter avec ses arguments et qui connaît les preuves des ulama. Donc ça, c'est seulement les ulama en principe qui ont le droit de faire ça et qui sont capables de le faire. Ou ceux qui sont semblables aux ulama parmi les tullab al-ilm qui sont très avancés dans le niveau de la science et de la compréhension. Ils sont capables de les affronter, ces innovateurs, ces prêcheurs innovateurs, et ils sont capables de leur clarifier la vérité avec les preuves et de détruire leur fausseté avec les preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tandis que toi, si tu es incapable et que tu ne sais pas parler, tu n'es pas capable de leur parler, alors dans ce cas-là, tu dois t'écarter d'eux. Il dit, parce que le fait d'être exempté et sauvé, c'est quelque chose qui est incomparable. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vaut la sécurité et là, le fait d'être en paix et sauvé de ces égarements-là. Donc ça, c'est l'explication de Cheikh Rabi à propos de ce verset-là. Donc c'est bien de savoir que le verset 140 dans Sourate An-Nisa, il s'applique non seulement à ceux qui se moquent ouvertement du livre d'Allah et de la religion, mais il s'applique également à ceux qui font partie des gens de bid'a et qui appellent à leur bid'a. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et les salafs, ils ont justement utilisé ce hadith-là pour interdire de s'asseoir avec les gens de bid'a. Et ça implique pas seulement juste de s'asseoir avec eux dans une petite rencontre pour aller prendre un café ou bien s'asseoir comme ça, discuter au restaurant ou bien de s'asseoir sur un banc dans la rue, discuter comme ça. Ça, c'est normal que tu dois pas t'asseoir avec eux de cette façon, mais ça implique également que si des innovateurs font, par exemple, organisent des conférences, des séminaires, n'importe quelle organisation, n'importe quelle occasion dans lesquelles ils vont propager leurs innovations, dans lesquelles ils vont prêcher leurs égarements, dans lesquels ils vont envoyer toutes sortes de faux semblants d'arguments pour essayer d'égarer les musulmans, on n'a pas le droit d'y assister. Hein? On n'a pas le droit d'y assister. Et si également ils ont, par exemple, des mosquées dans lesquelles ils prêchent le vendredi, ils font la khutba de Jumu'ah, et que ce sont des innovateurs, eh bien tu dois éviter à tout prix d'aller justement écouter les khutbas de ces prêcheurs-là. Hein, parce qu'ils vont prêcher leur bid'a et égarer les gens. Et ici à Montréal, il y en a plusieurs mosquées dans lesquelles il y a des innovateurs, des gens de bid'a, des égarés, des khawarij, des takfiriyin, des ikhwan, des soufis et autres qui prêchent leurs égarements. Donc les musulmans doivent faire attention à ça et chercher les mosquées dans lesquelles il y a des imams qui prêchent à la sunna et qui appellent à la sunna et qui suivent la voie des salafs. Et qui ne suivent pas la voie des innovateurs et des gens de bid'a. Ça c'est pour les musulmans qui ont un intérêt pour leur aqida et pour leur religion et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent vraiment se préserver. Tandis que les autres qui sont dans l'insouciance et qui ne pensent pas à ces choses-là, c'est très malheureux, mais c'est grave. Beaucoup de musulmans écoutent n'importe qui. Et ils entendent n'importe quoi et ils disent, moi, de toute façon, ça ne me dérange pas parce que je sais distinguer entre le vrai et le faux et je suis assez intelligent pour savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai. Et pourtant, ces gens-là, tu les vois, par exemple, ils n'ont aucune base, aucun principe, aucun fondement dans les questions d'Aqida. Et si tu leur demandes les preuves et les principes et les explications, ils ne savent pas non plus les expliquer. Et quand tu leur demandes qui sont les ulama, ils ne savent pas qui sont les ulama non plus. Donc, comment ces gens-là peuvent se penser à l'abri de l'égarement? Alors que même les salafs eux-mêmes avaient peur, les ulama des salafs avaient peur eux-mêmes de s'asseoir avec des innovateurs. Ils refusaient même de s'asseoir avec eux, pour se préserver. Donc, si c'était le cas de ces grands imams et ces grands ulama de l'islam qui refusaient de s'asseoir avec les innovateurs, alors qui sont-ils, eux, pour penser que. Hein, ils peuvent yani, se permettre de le faire et qu'ils sont capables et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de s'égarer. La réalité, c'est que beaucoup de musulmans sont tombés dans les égarements de ces gens-là justement à cause de ça, parce qu'ils se sentaient à l'abri et qu'ils se sentaient protégés. Hein? Mais c'est seulement un ignorant qui se pense protégé de l'égarement. Parce que le musulman qui a la connaissance et qui craint Allah, il sait que on n'est jamais à l'abri de tomber dans l'égarement ou dans la bid'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc la question numéro 4, c'est une question qui est extrêmement détaillée dans la réponse. Hein? Donc je vais la laisser pour la prochaine fois. Parce que si je commence à la traduire, je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde jusqu'au bout. Donc c'est une réponse qui fait à peu près 5 pages. Attendez, il y a la question ici, puis après il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pages, 7 pages et demie, non, ou 6 pages et demie. Donc ça veut dire que, subhanallah, je vais pas la faire à moitié. Si je la fais, si je la lis, si je la traduis, je vais la traduire au complet d'un seul coup et profiter parce que c'est une question assez importante, surtout à notre époque et surtout dans le contexte actuel. Donc on va la laisser pour la semaine prochaine, inshallah. Attendez une minute, donc c'est ça. Et je suis désolé aussi pour les cours de cette semaine. Il y a eu, il y a pas eu beaucoup de cours cette semaine justement parce que j'ai été beaucoup occupé et toutes sortes pour toutes sortes de raisons. Donc j'ai pas pu respecter le programme cette semaine. Mais inshallah, je vais essayer de me reprendre. Et j'ai ajusté un petit peu le programme. Là, je vais mettre le nouveau programme en ligne. Il va être un petit peu allégé. Donc, ça va être plus facile pour moi de pouvoir le respecter, Inch'Allah. D'ici là, Inch'Allah, on se retrouve au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.